Allez, bon lolo, ils sont là, Dunkerquois. Ils sont là, allez, les Dunkerquois. Hey, ils sont là. Ils sont là, les Dunkerquois. C'est quoi une chaille? Vous êtes pas d'ici, vous? Non. Un chaille, c'est en quelque sorte. Un chaille à Dunkerque, c'est des. Comment on dit ça? Un mec comme toi. Non. C'est dit, bordel! C'est des personnes qui. Je vais proposer le vrai métier. Et tu t'appelles Serge? Toto. Ah, ouais, non, on a un qui parle comme toi, je comprends rien. Attends, je vais dire ce que c'est un chai. Attends, je prends mon tel Google traducteur, moi je comprends rien. Je vais dire ce que c'est un chai. Un chai? T'as pas besoin de traducteur avec moi. C'est une autre personne. Vas-y, nous, on a de l'oseille. De? Vous avez de la chance. Ouais. De l'argent. Vous avez de la chance, nous, pas. Tu vois, des chais, c'est des mecs comme vous. Vous arrivez avec de la musique comme ça, là. Sans argent. Voilà. On espérait gagner de l'argent. Tu vois. Mais attends. Et on repart avec votre pognon. Ah putain. En Suisse, on a tous une banque en Suisse. Vous venez d'où, de Suisse? Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas de pognon. Attendez, entre vous et moi, est-ce qu'il y a un banquier dans le lot là? Bah oui. On a tous une banque. Et tout le monde a une banque chez nous. Non, on a une banque. On n'est pas banquier, on a une banque. On n'a pas une chocolaterie, on a une banque. Vous avez un bateau, vous avez une maison, tout le monde a une banque. Alors non. À Dunkerque, tout le monde a un harangue. On a une banque. À Dunkerque, tout le monde a un harangue. Mais chez nous, on a tous une banque. Pour résumer, quand on dit un chai, c'est un mec qui est... Ou une nana. Non, mais laisse-le parler. C'est un cas social. C'est pas bien. S'ils disent, les musiciens, c'est des chais. Ouais, on leur pète la gueule. Ouais. Mais... Il faut se mettre de côté, là. Il y a la banque, salut. Bisous. Papa, allez, go. Au rendez-vous, c'est là qu'on se rassemble pour boire un coup et manger un morceau. Chante tous ensemble ce joyeux signal, ce qui vous rassemble pour le carnaval. Hey! Ce sont de fameux gaillards pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont de fameux gaillards pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Laver tes yeux avec du codac, t'auras des corals. Fais ton cul, va laver tes yeux avec du codac, t'auras des corals. Fais ton cul, mademoiselle, voulez-vous danser le cacoal, le cacoal? Mademoiselle, voulez-vous danser le cacoal? Va commencer.